Chapitre 3e. La tourbe noire se ruait par la large montée en hurlant et en secouant armes et outils avec une telle fureur unanime qu'elle ne semblait plus être un rassemblement d'hommes, mais la masse compacte d'une matière aveugle poussée par les esprits de l'ouragan. En quelques minutes, elle fut sous le palais, s'allongea tout autour comme un serpent démesuré, enferma en ses nœuds puants les quatre murailles. Des bouviers aux oreilles chargées de pendants d'or portaient de grands fagots de roseaux secs allumés comme des torches qui projetaient sur les mufles farouches des lueurs rougeâtres et lançaient des étincelles et des éclats avec un crépitement sonore. D'autres, en un groupement serré, soutenaient un long pieu auquel ils avaient attaché un cadavre comme la draperie à la hampe de leur bannière d'église. Ils menaçaient du carnage avec les gestes et les clameurs. Entre les injures, ils répétaient un nom. « Cassera ! Cassera !» Le duc d'Ofena se mordit les poings quand il reconnut à la cime du pieu le corps mutilé de Vincenzo Muro, le courrier qu'il avait expédié dans la nuit pour demander secours de gendarmes. Il indiqua le pendu à Mazagronia, qui dit entre ses dents « Nous sommes fichus ». Mais Don Filippo l'entendit et commença une lamentation si écœurante que tous sentirent dans leur dos le froid de la lâcheté. La valtaille se pressait sur les seuils, masse de laideur blême. Quelques-uns pleuraient, d'autres invoquaient les saints, d'autres encore pensaient à la trahison. Si, en livrant leur maître au peuple, ils pouvaient avoir la vie sauve, 5 ou 6, moins pusillanimes, tenaient conseil sur cela et s'excitaient réciproquement. « Au balcon ! Au balcon !» criaient les révoltés à la lueur des fagots. « Au balcon !» Maintenant, le duc d'Ofena parlait à voix basse avec Mazagronia à l'écart. En se tournant vers Don Filippo, il dit « Laissez-vous mettre sur la chaise, mon père, cela vaudra mieux. » Il y eut un léger murmure parmi les valets. 2 s'avancèrent pour aider le paralytique à descendre de son lit. 2 autres approchèrent la chaise qui glissait sur des roulettes. L'opération fut pénible. Cette corpulence moribonde haletait et gémissait sans trêve. Les bras, comme un joug horrible, pressaient le cou des serviteurs haineux. La graisse semblait se fondre, et la chambre close était désormais pleine de l'insupportable odeur. Quand le poids fut sur la chaise, les pieds, d'un mouvement rythmique, se mirent à frapper le parquet. Le triste ventre ballottait sur les genoux, semblable à une outre flasque. Alors le duc dit à Mazagronia, « Giovanni, à toi !» Et celui-ci, d'un geste résolu, ouvrit la croisée et sortit sur le balcon. En s'appuyant au barreau, il sembla se cuirasser des grandes armoiries en fer forgé qui portaient les 3 lions rouges des casseurs.